réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de vous réveiller. Nous sommes le vendredi 8 avril et bienvenue si vous nous rejoignez, si vous écoutez France Culture. C'est un autre jour est possible, votre réveil culturel, avec dans un instant Shlomo Sand, l'historien israélien qui est l'auteur d'un essai édité par La Découverte, La fin de l'intellectuel français, point d'interrogation, de Zola à Houellebecq. Depuis lundi, il tente avec nous d'écrire une petite histoire des intellectuels français, dans un instant, le 5e et dernier épisode. Et en deuxième partie, comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée, et aujourd'hui, je reçois Fred Bernard pour La paresse du panda, la dernière aventure de Jeanne Piccini, c'est bien sûr aux éditions Kesterman. Tout de suite, Tête chercheuse. Les intellectuels français, une histoire à écrire. Bonjour Shlomo Sand. Bonjour. Alors, on a parlé de Paris, Athènes moderne, hein, c'est-à-dire l'époque des Lumières. Et puis ensuite, on a parlé de l'affaire Dreyfus, comment cette affaire avait cristallisé des mouvements d'intellectuels. Ensuite, on a traversé le XXe siècle, les guerres, le communisme et le fascisme, avec les intellectuels engagés, comme Drieux-La Rochelle, Malraux, Camus. Hier, on a parlé de ce que vous considérez être comme les nouvelles Lumières parisiennes, c'est-à-dire la France de l'après-guerre, la France de Sartre, de Foucault. On n'a pas eu le temps de parler de Bourdieu, et pourtant il fait partie puisque vous en parlez dans votre ouvrage, il fait partie de ces Lumières pour vous. Ah oui, d'une certaine façon, et peut-être il est le dernier grand intellectuel français, je ne sais pas encore, mais pour le moment. Parce que Bourdieu était une des derniers, universitaires d'ailleurs, pas comme Sartre, mais comme Foucault. Mais l'intéressant, c'est le grand malheur de les dernières années, qu'on voit qu'il y a moins ou moins des intellectuels qui sortent de l'université, comme Foucault ou Bourdieu. C'est-à-dire, dans l'université, il y a plus en plus un travail spécifique, partiel, un travail en miettes. C'est-à-dire, il y a des spécialistes, des gens qui pensent, des gens fantastiques à l'université française, comme ailleurs. Mais le problème est qu'il y a très peu d'universitaires qui acceptent de faire de nouveaux synthèses, de proposer à un grand public de nouveaux synthèses. C'est-à-dire, j'ai l'impression, j'espère que je me trompe, que l'université aujourd'hui rassemble beaucoup à l'université du XVIIIe siècle. Donc les idées neuves qui sortent ne sortent pas d'université malheureusement, et surtout que là-bas il y a des spécialistes qui savent par exemple qu'est-ce que c'est le judaïsme, qui savent qu'est-ce que c'est l'islam, mais qui ne laissent pas sortir avec des grandes synthèses, des grandes propositions devant des grands publics. Donc les Bourdieu peut-être le dernier grand sociologue qui a un élan incroyable et un courage incroyable, et il se trompe souvent, mais quand même c'est important de proposer des synthèses. Et voilà, et c'est le dernier grand capital, que son capital de prestige vient d'une capitale de savoir qui est hors des médias. C'est-à-dire, il n'a pas accumulé cette capital de prestige, si je peux dire. Il a même été critique vis-à-vis des médias. Oui, parce qu'il a senti très, très fort que quelque chose change et entre le rapport des médias, si vous voulez, et la pensée critique. Il a senti ça et il a compris en partie, à mon avis, parce que c'est une étape assez tôt de ce processus qui a aujourd'hui été achevé par les victoires peut-être total des médias sur le capital de savoir qui s'est créé dans l'université, dans la recherche, etc. Donc, il est pour moi, pour le moment, parce que, vous savez, et si je regarde ma propre génération qui suivent, et mes confrères ici en France, il y a deux sortes. Ceux qui sont cachés dans l'université, des gens brillants, qui n'osent pas sortir, et ceux qui ont entré dans les médias, devenus des intellectuels médiatiques, que leur le seul capital savoir, c'est un capital médiatique. C'est ça que je fais analyse à la fin de mon livre. Donc, si vous voulez, la profondeur de leur pensée est complètement différente que cette époque de Sartre à Bourdieu qui a existé auparavant. Donc, parfois, je suis en train de réfléchir, est-ce qu'on n'est pas après Renaissance, cette dernière Renaissance Sartre-Bourdieu, et en fin de compte, est-ce que nous ne sommes pas maniéristes? Vous savez qu'après les Renaissances, il y avait l'époque maniériste. Et personne ne peut pas expliquer pourquoi Leonardo da Vinci, Michel-Angelo ont disparu soudain et le maniérisme a gagné. Et je crois que pour le moment, nous sommes tous des maniéristes. Et depuis, vous reprenez d'ailleurs, vous citez Pierre Nora, je crois. Hein, c'est Pierre Nora qui a dit « L'intellectuel oracle a fait son temps ». Oui. Justement, en fondant le débat, cette revue, la dernière grande revue intellectuelle, c'est un enterrement de l'intellectuel prophète, intellectuel critique. Et si vous voulez, je n'ai pas dit que disparition au déclin des intellectuels en général, parce que chaque société a besoin des intellectuels, chaque société a besoin d'idéologues pour confirmer, si vous voulez, l'idéologie dominante. Mais il y a un recul pour le moment d'intellectuels global, critiques, face au pouvoir, face aux idées reçues. J'ai décrit il y a quelques jours ici qu'entre 1895 et 1898, il y a certains intellectuels conformistes qui dominent la scène, avant les Ferdreyfus. Et voilà, à partir de Bernard Pivot, que d'ailleurs j'admire comme un présentateur incroyable de la télé, je le comparais avec des autres, et on n'a pas en Israël par exemple un présentateur, une candide comme ça, entre guillemets, de la culture audiovisuelle. Mais vous devez savoir, dans l'année 70, commence un processus, à mon avis, de changement de rapport entre des intellectuels qui ont accumulé leur savoir hors des médias, avec l'intellectuel, que les médias décident qui ils sont vraiment l'intellectuel. Et Bernard Pivot, c'est l'exemple. Si quelqu'un n'est pas invité par Bernard Pivot dans l'apostrophe, il n'est pas intellectuel, il n'existe pas. Donc, ce processus qu'en début, je me souviens, j'étais étudiant ici, je vois qu'il invite de grands personnages, même il a essayé d'inviter Bourdieu, etc. Peu à peu, et jusqu'à l'année 77, par exemple, voilà l'apparition des nouveaux philosophes, on les nomme, je ne comprends pas pourquoi, on les nomme nouveaux philosophes, et à partir de 77-78, on a un changement dans le paysage intellectuel et certains intellectuels médiatiques, si vous voulez, commencent à dominer les rythmes de la pensée française. Alors, vous êtes très critique vis-à-vis d'Alain Finkielkraut, vous êtes très critique vis-à-vis de Michel Onfray, vous consacrez tout un chapitre fort édifiant, très intéressant, mais pour dire le plus grand mal, de Michel Houellebecq. Alors, vous allez nous dire pourquoi, et moi, je vais essayer de prendre leur défense en disant que même s'ils sont controversés, même s'ils peuvent des fois être animés par des raisons qui ne sont pas rationnelles, qui ne sont pas intellectuelles, ils sont quand même là pour que le débat continue à vivre. Ils sont populaires, des fois les gens se positionnent, que ce soit contre ou pour. N'est-ce pas là le plus important dans un débat intellectuel, Shlomo Sand ? Vous savez que, bon, c'est longtemps que je suis anti-totalitaire. Mais j'étais anti-totalitaire avant que le totalitarisme a disparu. Avec ces nouveaux philosophes, dont à la fin de l'année 70, les vagues d'anti-totalitarisme, entre guillemets, commencent en France après que le totalitarisme, le vrai totalitarisme, a commencé à disparaître. Donc pour moi, c'est ridicule d'être anti-totalitaire à la fin de l'année 70 et être totalitaire dans l'année 50 et 60. Surtout qu'une grande partie de cette Finkielkraut, Glucksmann, Baron Levy sont des maoïstes, sont les pires, pour moi, totalitaires dans les vagues d'extrême gauche, de la nouvelle gauche des années 60. Ça, c'est une chose. Et à propos des débats, c'est-à-dire jamais il n'y a pas un débat pour les débats. Le débat doit être le plus profond et avoir un acquis dans certains savoirs. Et pour être concret et donner l'exemple, récemment, Baron Levy a publié un livre qui s'appelle « Esprit du judaïsme ». Il ne connaît pas l'hébreu, il ne connaît pas l'arméen, et il écrit un livre, un titre, L'Esprit de judaïsme. Comme Chateaubriand, dans le 19e siècle, a écrit un livre, Le génie du christianisme, il savait le latin, il savait le français. Donc la question est comme ça. Est-ce que Benoît Lévy a une connaissance d'hébreu ancien, a une connaissance d'arméen? Parce que sans ces connaissances, on ne peut pas écrire L'Esprit de judaïsme. Deuxième exemple, c'est-à-dire un autre intellectuel médiatique qui a essayé de cesser d'être médiatique, il est redevenu médiatique, qui s'appelle Michel Onfray. Voilà un titre, j'arrive en France, et le titre est « Penser l'islam ». Moi, je suis pour qu'on débat l'islam, mais on s'adresse à des spécialistes d'islam pour avoir certains savoirs plus grands sur l'islam. Lisons les pensées d'islam. Quelqu'un qui ne sait pas l'arabe classique ni l'arabe moderne, c'est un débat pour le débat. Ce n'est pas pour sérieux pour moi. Jamais je ne vais pas amener un étudiant à moi à faire un doctorat sur la France sans savoir français. Vous pouvez imaginer écrire un livre sur l'esprit des Français sans savoir les Français, esprit des francisés sans savoir le... Mais c'est quoi ça? Donc, le débat est toujours bien, mais la question dans les médias, et qui on invite pour faire le débat, c'est-à-dire les médias audiovisuels, surtout audiovisuels, est un débat que les gens qui sont consommateurs de cette production culturelle sont moins armés devant les images, et il faut être vite. Et je crois que Onfray, je crois que Finkielkraut, je crois que Benoît Lévy ont un grand talent. Mais comme des hommes des médias, ils savent parler, ils savent écrire, mais les idées, c'est-à-dire écrire l'esprit du judaïsme sans savoir l'hébreu, ça ce n'est pas approfondir de la pensée française. Pour moi, j'ai jamais osé écrire un livre sur l'esprit du judaïsme sans savoir plusieurs langues asiatiques. Et pour moi, si vous voulez, à certains degrés, l'islamophobie a remplacé la judophobie. Ah, vous allez plus loin, Shlomo Sand, vous dites que l'intellectuel, la figure de l'intellectuel français est né avec la judéophobie, il est en train de mourir avec l'islamophobie. Oui, parce qu'une des choses que vraiment je n'arrive pas à comprendre, c'est-à-dire les rapports de ces intellectuels médiatiques face aux questions d'immigration. Dans ce cas-là, c'est l'immigration musulmane. Maintenant, comme je vais en arrière, je vois certains intellectuels face à l'immigration juive d'années 30, ou l'immigration à la fin, Barès face à l'immigration juive de la fin du 19e siècle, et Drieu La Rochelle face à l'immigration dans l'année 30, je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une répétition avec ça? Parce que l'idée forte de Finkielkraut, par exemple, qui dit que c'est la première fois que les émigrés ne veulent pas accepter la culture dominant en place, c'est-à-dire il ne veut pas s'intégrer. Ça, c'est une déclaration de Finkielkraut dans la dernière, avant-dernière livre. Donc, moi, je connais un peu l'histoire. Je sais que dans les marais, le Pletzel, au milieu de Paris, il y avait une forte émigration juive dans l'année 30, qui ne voulait pas s'intégrer spécialement, qui ont parlé des yiddish, qui ont avoir des vêtements très très bizarres, et qu'ils ont mangé bizarrement, qu'ils ont circoncis leurs enfants, etc. Bon, la France n'a pas toléré ça. Vous savez, on a les cultures anglais, américain, brésilien, qui acceptent que, comment dire, même si on a une culture commune nationale, il y a une diversité dans cette culture. On peut supporter les divergences culturelles. Et voilà, de ces traditions, certaines traditions, jacobins, maoïstes, judophobes, etc., on ne supporte pas la diversité. Certaines couches intellectuelles, parce qu'il y a des autres intellectuels toujours. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, on ne cite pas les faits. Qu'en États-Unis, à New York, à Brooklyn, il y a un demi-million des vrais juifs, pour moi, c'est-à-dire que je les respecte beaucoup, dans leur foi, dans leur pratique, etc., qui ne veut pas être une partie de la culture et des melting pot américains. Ils sont mépris envers ça. Et les sociétés américaines les supportent. Et en plus... Ouais, mais sauf que la société américaine n'a pas la même histoire que la France. Premièrement, je crois aussi que la France est un pays des émigrations. C'est-à-dire, si on lit vraiment des textes de plusieurs historiens, on voit que... Mais des immigrés qui s'intègrent dans l'idéal, c'est comme ça qu'on présente le modèle français, qui s'intègrent dans une culture commune. Ils s'intègrent aussi aux États-Unis. Ils s'intègrent aussi en Angleterre. Sauf qu'il y a dans le libéralisme culturel anglo-saxon, mais pas seulement anglo-saxon, en Amérique du Sud, on accepte les diversités, c'est-à-dire l'intégration peut être faite sur beaucoup de canaux. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'on devient uniforme, vous comprenez? C'est-à-dire l'exigence de certains intellectuels, de Houellebecq jusqu'à Zemmour, c'est ils voulaient des ch'tans, c'est-à-dire ils voulaient des Français complets. Mais je dis, mais qu'est-ce que ça? C'est dangereux. Parce que si intégrer est plus facile à l'époque que l'État-providence a vécu, que les situations économiques étaient, comment dire, confortables, aujourd'hui, avec la crise socio-économique très aiguë dans le monde occidental, c'est plus difficile de s'intégrer comme l'État-providence quitte les ghettos dans les faubourgs parisiens, il laisse seulement ses griffes dedans. Donc, je suis pour que les émigrés s'intègrent, mais ceux qui font ça plus lentement ont le droit de faire ça plus lentement. Ils ont le droit de garder leur propre culture, parce que je ne crois pas que c'est eux qui menacent la culture française aujourd'hui. Et comme je lisais les soumissions, d'ailleurs on peut remplacer le titre du livre de Houellebecq par « La France musulmane ». C'est-à-dire, j'ai rappelé la France juive, c'est-à-dire on peut mettre comme sous-titre la France musulmane, parce que ceux qui ont lu Soumission de Houellebecq savent qu'il essaie d'écrire comment les musulmans prennent le pouvoir en France. Et vous les appelez les intellectuels identitaires. Pour terminer, Shlomo Sand, cette série, est-ce que vous pensez que les intellectuels sont ceux qui façonnent l'opinion publique ou au contraire, ils ne sont que les représentants de l'évolution intellectuelle, des idées, de l'opinion publique? Ils sont un symptôme. Ce n'est pas eux qui créent les idées publiques, mais ils façonnent ça, ils contribuent ça. Et ils peuvent, à mon avis, et j'exige qu'ils seront contre-courant des idées reçues, contre des idées faciles, contre cette haine quotidienne qui naissent avec le malheur, qui naissent avec le trouble, etc. Donc l'intellectuel, je suis plus sévère en face d'intellectuel, parce que en principe, ils ont un accès au savoir plus que les autres. D'ailleurs, les politiciens n'ont pas le temps de lire tellement de livres comme les intellectuels font. Cette façon de les interpeller, ça veut dire, Shlomo Sand, que vous continuez à croire, à penser que les intellectuels français ont un rôle à jouer, ont toujours une force dans la société française? Oui, c'est la raison que j'ai mis le point d'interrogation. C'est-à-dire, je ne sais pas, je ne suis pas un prophète, je suis un prophète de passé, pas de, comme historien, pas de prophète du futur. Oui, il y a un point d'interrogation que j'ai insisté, qu'on met dans le titre. Merci beaucoup d'avoir accepté Merci notre à vous. Invitation, Shlomo Sand. Un autre jour est possible, par Toufik Hakem, tous les matins sur France Culture. Et maintenant, l'invité culturel. Bonjour Fred Bernard. Bonjour. Comme tous les vendredis, l'actualité de la bande dessinée. Et on peut retrouver votre héroïne, Jeanne Piccini, et sa petite fille, dans La paresse du panda, roman graphique consistant, 380 pages au moins, édité par Casterman. Mais pour ceux qui auraient raté les premières aventures de votre héroïne, je vais vous demander de nous la présenter, la Jeanne Piccini. Cette femme qui voyage dans le monde et qui défie tous les temps, tous les univers. Ben Jeanne Piccini, ouais, je l'ai créée pas de toute pièce, parce que je me suis inspiré de ma grand-mère et puis de différentes personnes que je connais, mais je l'ai créée en 2003. Le premier opus est sorti en 2003 aux éditions du Seuil. Et elle était maman à la fin du premier volume, parce que j'avais déjà l'intention de faire une saga familiale sur un siècle à peu près. Et donc, c'est le cinquième, La paresse du panda. Ouais. Donc, c'est une femme qui pour son époque, a tendance à briser les conventions et qui tient pas tellement en place, quoi. Alors, son époque, si on en parlait. Alors, son époque, c'est le début du... Elle est née en 1900. Donc, voilà, je l'avais appelée Piccini parce que c'est là qu'on a signé, c'est la ville où on a signé la fin des accords de la guerre de 100 ans. Et par association d'idées, je cherchais un nom et... Et vu que je voulais que ça dure un siècle, je l'ai appelé comme ça. Et donc je l'ai emmené, le premier épisode c'était en Afrique, donc c'est pleine... Ah oui, on va en parler. Mais... Ben, c'est l'époque coloniale où l'émancipation des femmes, voilà, c'est zéro. Donc, et bien sûr, elle est à l'avant-garde de tous les combats et de toutes les aventures surtout. Mais s'il fallait parler du genre de ces aventures, est-ce qu'on peut parler de contes? Est-ce qu'on peut parler de contes politiques et philosophiques avec une trame historique? Est-ce que c'est ça qui vous intéresse le plus? Parce que il y a en plus des intrigues fantastiques des fois, il y a des moments d'aventure, il y a même des séquences ouvertement érotiques et beaucoup de chroniques de voyage. Oui, alors les chroniques de voyage, enfin, disons que sous couvert de grandes aventures rocambolesques, exotiques, ça c'est un peu le genre, s'il y a un genre c'est ça, mais c'est le prétexte à développer une galerie de personnages, moi qui m'intéresse, et où je vais pouvoir y placer enfin je suis le maître du jeu, j'ai créé le jeu de toutes pièces pour pouvoir y mettre tout ce que je voulais, tout ce qui m'intéresse en fait, donc... parler de généalogie, des héritages familiaux ou historiques dont on vit, enfin voilà, on vit avec, plus ou moins de bonheur, l'émancipation féminine, et puis même la notion de spiritualité m'intéresse aussi, et donc tous mes personnages ne sont pas d'accord entre eux, donc c'est pour ça qu'ils en parlent beaucoup, mais en tout cas je les habite de mes intérêts personnels en fait. Une trame classique ne vous intéresse pas, Fred Bernard, une bonne fois pour toutes? Ah non, moi j'aime pas. Enfin, en fait, bon, ça m'arrive hein, quand je fais un one shot, je peux pas me permettre tout ça. Mais trouver une idée d'histoire et dérouler juste l'action d'un point A au point B. Enfin, en tant que lecteur, même si j'apprécie ça quand c'est très bien fait, moi j'ai envie un peu de. Enfin, je veux que le lecteur il sache pas trop ce qu'il va trouver en tournant la page. En fait. Est-ce que vous savez? Est-ce qu'il y a un scénario avant de passer au dessin et Ah oui, moi je sais. Bah, sinon, ça tiendrait pas debout. Enfin, je sais pas. C'est la petite fille qui va fouiller dans les affaires de sa grand-mère pour nous permettre de faire un voyage, et cette fois-ci en Tibet, en Chine. Alors que, vous l'avez dit, Fred Bernard, s'il fallait résumer les autres aventures de votre héroïne, Jeanne Piccini a été d'abord à quitter sa Bourgogne natale à la recherche de son père explorateur disparu en Afrique. Ça, c'était le tome 1, si je me souviens bien. Donc, pour le tome 2, on se retrouve carrément entre New York et Cuba. Et c'est la suite de ses aventures africaines. Ouais. Et là, c'est le retour. Ouais. Mais l'idée, c'est quoi? C'est de faire le tour du monde, de tous les mouvements, de tous les mystères qui ont jalonné la vie de Jeanne Piccini. Oui, puis enfin, disons que j'ai envie de. C'est l'éditeur qui m'a dit faut que tu fasses un arbre généalogique parce qu'on va se perdre. Donc je veux visiter. Mais c'est très agréable de se perdre dans votre univers, hein, ceci dit. Vous pouvez le dire à votre éditeur. Ouais. Enfin, donc moi j'ai l'impression de. Enfin. Bon là, il vient de sortir, donc mais je sais jamais comment avant de qu'il sorte, je sais pas comment ça va être reçu. Moi, j'ai l'impression de faire quelque chose de toujours très très clair et très facile d'accès, mais c'est pas toujours le cas. Quand vous dites tout est balisé, s'il fallait parler de votre traitement graphique de cette histoire, où il y a des rebondissements, des retours en arrière, des parenthèses qui s'ouvrent, qui n'en finissent pas de s'ouvrir, qui se ferment plus ou moins, des digressions. Il y a plusieurs manières aussi de dessiner ces histoires chez vous, Fred Bernard. Des fois, c'est vraiment un dessin complètement parfait. Des fois, c'est juste des croquis. Ouais, ça modifie en fonction de l'action, en fait, aussi. C'est-à-dire que quand il y a l'accident sur le pont suspendu, par exemple... Il y a du brouillard et il y a du brouillard et de l'action, et donc le dessin peut être plus jeté. En revanche, quand ils sont assis et qu'ils discutent tranquillement dans la maison, au manoir de Jeanne, là je dessine tous les petits détails, tous les petits souvenirs qu'elle a rapportés de voyage qui font tant rêver Lily, quoi. En fonction de, enfin, comme dans la vie, on fait plus ou moins attention à ce qui nous entoure en fonction de nos pensées. Donc j'ai l'impression que ça colle plutôt à la vie, de pas tout dessiner, de pas tout raconter de la même façon, parce que la vie, c'est sans cesse en mouvement. Donc, je suppose que vous êtes nourri par l'amour que vous avez porté à votre grand-mère en écrivant ces histoires. Ah oui, ô combien, ouais. Mais aussi, et à la Bourgogne, et au voyage que j'ai réalisé ensuite. Et puis enfin aux femmes. Parce que je tiens absolument, c'était mon but, c'était de faire une BD. Il y en avait déjà chez Corto Maltese et chez Tardi et chez quelques autres, mais il y a beaucoup de héros masculins et pas tant. Là, c'est l'exact contraire, on peut le dire. Ouais, ça, c'est un parti pris, c'est volontaire, c'est évidemment. Et les hommes n'ont pas vraiment le bon rôle. Et ça, qu'est-ce que ça vous procure comme plaisir, Fred Bernard ? Ah ben de déjà, vous approcher de la psychologie féminine, ou de ce que vous pensez être la psychologie féminine, ou de jouer avec les mystères, les... Bah disons que moi, dans ma famille, puisque c'est quand même ça la base, toutes les choses importantes, moi je les ai toujours entendues de la bouche de ma mère, ou de mes tantes, ou de ma grand-mère, justement. J'avais plein de discussions sur... Mais mon père, il m'apprenait des choses sur la pêche, ou sur le bricolage... Mais, enfin, c'est toujours de la bouche des femmes, moi, que j'ai compris des choses. En fait, elles étaient pas qu'observatrices de la vie, elles analysaient ce qu'elles vivaient, et moi, j'ai commencé à me poser des questions, grâce à elles. Sinon, je serais resté sur le mode, je vais pas dire que tous les hommes réfléchissent moins, mais en tout cas, ils dirigent le monde. Étant le monde étant ce qu'il est, en mettant en scène des femmes, je dis voilà, elles sont plus critiques là, elles se laissent moins déboussoler finalement par leurs sentiments que les hommes. Les hommes sont un peu perdus. Comment vous dessinez, Fred Bernard, par exemple la paresse du panda? Ça vous a pris combien de temps? Dans quel lieu vous vous réfugiez pour imaginer, pour dessiner? Ouais. Et avec qui travaillez-vous? Alors je travaille avec du matériel très simple sur du papier et que je peux acheter, ça c'est important, c'est du matériel que je peux acheter partout, parce que je travaille pas toujours chez moi, donc je veux que ce soit pratique, le côté pratique, donc de l'encre de Chine, des plumes qu'on trouve même dans les supermarchés en fait. Et j'ai tendance à plutôt me recroqueviller sur un coin de table qu'à prendre, je crois que je pourrais travailler dans un placard. Quand je travaille, de toute façon, plus rien n'existe autour. Donc c'est vrai que un atelier de 2 mètres carrés, je pense que... Même quand j'étais à l'école, aux Beaux-Arts, ou ensuite, j'avais tendance à toujours finaliser, à faire sérieusement les choses chez moi. Pendant les heures de cours proprement dites, je recherchais des choses, mais voilà, j'étais parasité. Ouais, j'ai besoin d'être tout seul, ouais. Alors, vous nous avez ramené un dessin pour l'émission qu'on peut retrouver, bien sûr, en passant par franceculture.fr. Un dessin en couleur, ce qui est très gentil d'autre part, Fred Bernard. Ouais. Mais c'est très bizarre, parce que je voulais justement qu'on termine cette interview en parlant de votre choix radical du noir et blanc et de pas de couleur. Je fais beaucoup d'aquarelles, moi, en voyage. Elles sont toutes en couleur, en revanche. Ouais. Mes carnets de voyage sont toutes en couleur. Mais pas dans la narration? Disons que... il y a je mettrais pas 2 ans, mais 4 si je devais mettre tout ça en couleur. Ça a pris 2 ans? Ouais, grosso modo, entre l'écriture et... Ouais. C'est super long à mettre ça. Enfin, j'ai vraiment du mal. Enfin, voilà, ça demande beaucoup de travail de... Vous auriez pu travailler avec un coloriste ou une coloriste. Oui, je l'ai fait une fois d'ailleurs et j'étais content du résultat. Mais en même temps, je trouve qu'il y a dans le noir et blanc, il y a une liberté de... Justement, ça laisse tellement de place au lecteur que c'est un côté un peu académique du roman graphique, historiquement il est en noir et blanc, ça me plaît bien. Voilà, et c'est édité chez Casterman, la paresse du panda, la dernière aventure de Jeanne Piccini. Merci Fred Bernard, merci d'être venu, bon week-end. Merci, bon week-end à vous merci, tous bon week-end. Et à lundi.